niquer le cul. Et puis moi comme ça, il envie de coque. Il parle français, moi en pas choqué. Andy bon ça sème, Andy bon showcase. Un qui dit moi oui la bête débloquée. Baby so belle, en qui fidèle. Même si vous faites si moi en piqué, trappé gros poil. Andy pas belle, mène l'hôtel. Yo ka crio skatel, mais moi en cabot ten ten ten ten ten. En cabot ten ten ten ten ten. En cabot ten ten ten ten ten. En cabot ten ten ten ten ten. En fifi, pas bon love baby en pressé. En tifesse pour décompresser. En rivé en l'air qu'on crie feu. En bien chill moi en pas stressé. Laisse la blanc gueule c'est pas cessé. Ou pas ouais nous pas qu'à cessé. Bon fessé, en cas vrai gens ou cas encaissé. Baby gal en bosse qu'on saut ça. Y vrai gens en l'occident qui comprennent c'est en l'eau ça. Mais baby en posé, en just focus il est mappé ça. Pas besoin de proposer, just montrer moi qui j'en s'arrose ça. Baby si ou belle, en qui fidèle. Même si ou veille si moi en péqué trappé gros poil. En n'y papel, mener l'hôtel. Yo ka crio skatel, mais moi en cabot ten ten ten ten ten. En cabot ten ten ten ten ten. En cabot ten ten ten ten ten. En cabot ten